En mer, des contes de l'abbé Casse. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Les contes de l'abbé Casse de Guy de Maupassant. En mer. À Henri Séhara. On lisait dernièrement dans les journaux les lignes suivantes. Boulogne-sur-Mer, 22 janvier. On nous écrit « Un affreux malheur vient de jeter la consternation parmi notre population maritime déjà si éprouvée depuis 2 années. Le bateau de pêche commandé par le patron Javel, entrant dans le port, a été jeté à l'ouest et est venu se briser sur les roches du brise-lame de la jetée. Malgré les efforts du bateau de sauvetage et des lignes envoyées au moyen du fusil porte-amarre, 4 hommes et le mousse ont péri. Le mauvais temps continue. On craint de nouveaux sinistres. Quel est ce patron Javel? Est-il le frère du manchot? Si le pauvre homme, roulé par la vague, est mort peut-être sous les débris de son bateau mis en pièces, et celui auquel je pense, il avait assisté, voici 18 ans maintenant, à un autre drame, terrible et simple, comme sont toujours ces drames formidables des flots. Javel aîné était alors patron d'un chalutier. Le chalutier est le bateau de pêche par excellence, solide à ne craindre aucun temps, le ventre rond, roulé sans cesse par les lames comme un bouchon, toujours dehors, toujours fouetté par les vents durs et salés de la Manche. Il travaille la mer, infatigable, la voile gonflée, traînant par le flanc un grand filet qui racle le fond de l'océan et détache et cueille toutes les bêtes endormies dans les roches, les poissons plats collés au sable, les crabes lourds aux pattes crochues, les homards aux moustaches pointues. Quand la brise est fraîche et la vague courte, le bateau se met à pêcher. Son filet est fixé tout le long d'une grande tige de bois, garnie de fer, qu'il laisse descendre au moyen de 2 câbles glissant sur 2 rouleaux aux 2 bouts de l'embarcation. Et le bateau, dérivant sous le vent et le courant, tire avec lui cet appareil qui ravage et dévaste le sol de la mer. Javel avait à son bord son frère cadet, 4 hommes et un mousse. Il était sorti de Boulogne par un beau temps clair pour jeter le chalut. Or, bientôt, le vent s'éleva et une bourrasque survenant força le chalutier à fuir. Il gagna les côtes d'Angleterre. Mais la mer démontée battait les falaises, se ruait contre la terre, rendait impossible l'entrée des ports. Le petit bateau reprit le large et revint sur les côtes de France. La tempête continuait à faire infranchissable les jetées, enveloppant d'écume, de bruit et de danger tous les abords des refuges. Le chalutier repartit encore, courant sur le dos des flots, ballotté, secoué, ruisselant, souffleté par des paquets d'eau, mais gaillard, malgré tout, accoutumé à ces gros temps qui le tenaient parfois 5 ou 6 jours, errant entre les 2 pays voisins, sans pouvoir aborder l'un ou l'autre. Puis, enfin, l'ouragan se calma comme il se trouvait en pleine mer, et bien que la vague fût encore forte, le patron commanda de jeter le chalut. Donc, le grand engin de pêche fut passé par-dessus bord, et 2 hommes à l'avant, 2 hommes à l'arrière commencèrent à filer sur les rouleaux, les amarres qui le tenaient. Soudain, il toucha le fond. Mais une haute lame inclinant le bateau, Javel cadet, qui se trouvait à l'avant et dirigeait la descente du filet, chancela et son bras se trouva saisi entre la corde, un instant détendue par la secousse, et le bois où elle glissait. Il fit un effort désespéré, tâchant de l'autre main de soulever l'amarre, mais le chalut traînait déjà et le câble roidi ne céda point. L'homme, crispé par la douleur, appela. Tous accoururent. Son frère quitta la barre. Ils se jetèrent sur la corde, s'efforçant de dégager le membre qu'elle broyait. Ce fut en vain. « Faut couper !» dit un matelot, et il tira de sa poche un large couteau qui pouvait en 2 coups sauver le bras de Javel cadet.